rarement ton Zorro. Et tu imagines si bien dans ton esprit serein. Si je te dis sagement, je suis le prince charmant. Comme tu peux voir, le sentir, peut-être bien l'entendre. Devant toi, je suis comme nu. Un enfant sans défense. Je te dis sagement, je suis le prince charmant. Et si par temps de blizzard, je m'envole toujours vers toi. Celui que tu attends.